Chapitre 39e. Le soir même, Rose fit préparer chez un pharmacien du voisinage la potion que Langlois lui avait ordonnée et serra soigneusement l'ordonnance dans son porte-monnaie. André se trouvait présent et lui demanda si elle avait été satisfaite de la visite du docteur. « Très satisfaite, » répondit-elle. « Vous ne l'avez pas vue ?»« Non, » dit-il distraitement. « Je croyais que vous le voyiez tous les jours. » Il tressaillit et la regarda pour voir dans quel esprit elle avait prononcé cette phrase. Le visage de la jeune femme, adouci, éclairé par cette lumière spéciale à ceux qui aiment, était tourné vers lui avec une expression de tendresse et de doute bien nouvelle et bien touchante. Pour la seconde fois, il eut le soupçon de la vérité, et un frisson d'horreur passa sur lui à l'idée qu'elle pouvait l'aimer. « Je le vois, Langlois, de temps en temps, » répondit-il d'une voix mal assurée, « mais moins souvent que vous ne le pensez. » Elle ne dit rien et baissa la tête. Le nouveau sentiment qui s'était emparé de son âme, profond et durable cette fois, comme celui qu'elle a éprouvé au début de sa vie pour le jeune chanteur mort si tragiquement. Cet amour tardif et douloureux qui avait révélé bien des choses, entre autres une pitié sincère pour les souffrances de celui qu'elle aimait. Voir souffrir André lui faisait mal, et pourtant que pouvait-elle pour l'empêcher de souffrir? Elle allait parler, prête à lui ouvrir son cœur, à lui dire quel grand élan d'amour la poussait vers lui, pour réparer ses torts, pour lui donner tout le bonheur qui lui avait manqué jusque-là. Puis elle recula devant sa propre audace. S'il l'arrêtait de son geste froid et poli, ainsi qu'elle avait deviné maintes fois qu'il allait le faire si elle prononçait un mot de plus, que dirait-elle? Où irait-elle cacher sa honte? Elle reprit le livre commencé qui gisait sur ses genoux et feignit de lire jusqu'au moment où André se retira chez lui, comme de coutume. Le lendemain, vers 1 heure de l'après-midi, Rose se dirigea vers l'île Saint-Louis et se promena longuement au soleil. Le temps était magnifique. L'eau coulait gaiement, avec des petits remous qui semblaient très affairés. Les mamans et les bonnes sortaient des maisons, portant des bébés sur leurs bras, ou les conduisant par la main. L'atmosphère semblait pleine de joie et d'activité. Rose se rappela soudainement la petite maison de Chartres, l'eau paresseuse qui passait au bas du jardin, le soleil qui frappait à sa fenêtre le matin, toutes choses envolées, perdues. Et elle ralentit un peu le pas sans perdre de l'œil les maisons tranquilles du quai désert. Le docteur Langlois sortit tout en hâte, son chapeau enfoncé sur les yeux, et s'en alla à grandes enjambées du côté de l'Hôtel-Dieu. Rose le vit disparaître avec une espèce de soupir de soulagement. Peu après, Claire apparut, tenant son fils par la main. Elle jeta un coup d'œil sur le quai, comme elle ne savait de quel côté diriger sa promenade, puis, d'un pas nonchalant, ralenti encore par la marche irrégulière du petit garçon, elle suivit le cours de la rivière. Rose entra alors sous la porte cochère et demanda à la concierge d'un air indifférent. « Mademoiselle Vernot ?»« Au second, » répondit la bonne femme. « Elle est toute seule à la maison avec la bonne. »« Merci, » dit Rose en gravissant l'escalier. Elle voulait s'empêcher de monter vite et cependant elle courait presque, si bien qu'avant de sonner, elle fut obligée de s'appuyer contre les grands balustres de pierre qui marquaient le palier, en posant la main sur son cœur qui battait trop fort. Elle reprit haleine presque aussitôt, cependant, par un effort de volonté, et tira le cordon de la sonnette. « Mademoiselle est chez elle ?» demanda Rose à la femme de chambre qui vint ouvrir. « Oui, madame, » répondit la jeune fille, un peu surprise, car Marguerite n'avait pas d'amie particulière. « Veuillez lui faire passer ma carte. » Sur le mince carré de Bristol, l'avait écrit « Madame Juste André ». La porte du salon fut ouverte devant elle. Elle entra et s'assit sur le premier fauteuil qui se trouva à sa portée. Elle ressentit une émotion singulière, insurmontable, dont elle s'irritait, mais qu'elle ne pouvait dominer. Elle sentait bien au fond d'elle-même que si elle avait échoué ce jour-là dans sa tentative, elle eût recommencé le lendemain, le surlendemain, tous les jours, jusqu'à ce qu'une occasion favorable se fût présentée. Elle avait bien des plans confus dans son esprit inquiet et troublé, mais elle ne pouvait se décider à rien avant d'avoir vu Marguerite. Un léger bruit avertit Rose, qui aperçut la jeune fille devant elle. Elle se leva et la regarda avec un sentiment étrange où dominait la curiosité. Ce n'était plus la Marguerite d'autrefois, avec son air timide et doux, qui semblait presque demander grâce pour sa beauté. Elle avait grandi. Sa taille élancée avait pris, pendant sa longue maladie, encore plus de souplesse et de grâce. Rose ne put s'empêcher de reconnaître que si autrefois elle avait été jolie, maintenant elle était belle. « Vous avez désiré me parler ?» dit la jeune fille avec un léger tremblement dans la voix. « Oui, mademoiselle, » répondit Rose en s'efforçant de paraître calme, malgré le trouble qui l'envahissait de plus en plus. Marguerite lui indiqua un siège et s'assit elle-même, car elle pouvait à peine se tenir debout. Rose parla, mais non comme elle avait eu l'intention de le faire. Un sentiment nouveau de respect, de pitié, avait remplacé la colère qui auparavant grondait dans son cœur. « J'ai voulu vous voir, mademoiselle, » dit la jeune femme, « parce que nous sommes vis-à-vis l'une de l'autre dans une situation intolérable, qui ne peut se prolonger, dont il faut sortir à tout prix. Ne pensez-vous pas qu'un peu de franchise de part et d'autre nous ferait grand bien à toutes les deux ?» Marguerite fit un faible signe d'assentiment. Pour sa part, elle ne voyait pas du tout la nécessité d'une semblable explication, mais puisque Rose était venue, elle ne savait comment s'y soustraire. « Ma disparition, » reprit Madame André, qui reprenait peu à peu son sang-froid, « ma mort supposée, pour appeler les choses par leur nom, avait fait de Monsieur André un homme libre, libre de se remarier si bon lui semblait. Il avait eu la pensée de le faire, en effet, et si je ne me trompe, c'est sur vous, mademoiselle, que son choix s'était arrêté. » Marguerite acquiesça du geste, encore une fois. Il lui était trop pénible de parler de ce qui était une part même de son âme. « Donc, mademoiselle, continua Rose, avec les meilleures intentions du monde, j'espère que vous n'en doutez pas, il arrive que je me suis mise entre M. André et son bonheur projeté, entre vous et le prétendant que vous aviez accepté. C'est bien ainsi, n'est-ce pas? Je ne commets pas d'erreur. » « Non, madame, répondit Marguerite, sans cesser de la regarder. » Rose posa sa main droite sur sa main gauche d'un air satisfait et continua. Des personnes bien intentionnées ont cru sage de réunir M. André et moi sous le même toit, afin de donner satisfaction à l'opinion du monde. Croyez-vous que cela a été une bonne chose ? Je ne puis avoir d'opinion à ce sujet, répondit Marguerite. Cependant, reprit Rose avec une légère nuance d'aigreur, vous conviendrez que M. André me devait bien quelque chose en échange du sentiment qui m'avait porté à traverser l'océan pour le défendre contre une accusation injuste, qui mettait en péril sinon peut-être sa vie, au moins sa liberté, et dans tous les cas, sa situation vis-à-vis du monde. J'ai eu quelques mérites à renoncer à mon incognito, à me remettre sous la domination que j'avais évitée. Vous savez à quel prix? À perdre la liberté que j'avais reconquise, enfin. Ne croyez-vous pas que j'ai droit à une récompense? Si vous le préférez, à une compensation. Marguerite la regarda une seconde d'un air indécis. Puis parla tout à coup d'une voix claire, avec beaucoup de netteté. « Vous me demandez, madame, si je pense que vous méritez une récompense pour ce que vous avez fait ? Non, sans doute. Vous n'avez fait que votre devoir, et le devoir ne mérite pas de récompense. » Rose fixa sur la jeune fille un regard presque cruel, mais celle-ci ne se laissa pas troubler. « Notre devoir, » continua Marguerite. « Mais, madame, ce serait trop beau si l'on nous récompensait pour faire notre devoir. » N'a-t-il pas déjà la meilleure des récompenses dans le contentement qu'il nous procure ? Madame André avait repris possession de son sang-froid. Elle regarda le bout de son gant d'un air calme et répondit « Vous avez 100 fois raison, mademoiselle, mais sans vouloir manquer de respect aux principes généraux, qui sont les lois du monde que vous venez d'énoncer, je vous ferai remarquer qu'il y a aussi des cas particuliers, et que c'est d'un cas particulier que je suis venu vous parler. » J'ai renoncé à ma liberté, vous disais-je tout à l'heure. Peu importe à présent que cette liberté ait été obtenue par des moyens que vous blâmez probablement. Je l'avais et je l'ai perdue. Voilà le fait. Ma conscience, qui n'est pas muette, croyez-le bien, m'a décerné la douce récompense dont vous parliez si bien tout à l'heure, mais elle ne m'a rien offert en compensation de ma liberté perdue. Marguerite examina avec étonnement le visage impassible de la comédienne. « N'habitez-vous pas avec Monsieur André ? Ne vous a-t-il pas donné par là la tranquillité, la considération, tous les biens enfin que procure le mariage ?»« Oui, mademoiselle, il m'a donné tous ses biens, au rein seul. » Marguerite sentit que le sang abandonnait ses joues, et elle baissa les yeux, qu'elle n'osa relever. « Or l'amour de mon mari, » continua Rose, « et vous m'avouerez que c'est là quelque chose. » Mademoiselle Verneau ne répondit pas. Elle était vaincue. Cependant, quelque chose au-dedans d'elle-même lui disait que Rose, malgré son titre de femme légitime, n'avait pas le droit de réclamer cet amour jadis dédaigné. Mais elle ne savait comment formuler sa pensée. « Monsieur André vous aimait autrefois ?» dit-elle en hésitant. « Vous ne l'aimiez pas, sans doute. »« Non, je ne l'aimais pas. » fit Rose d'un air de défi. « Maintenant, à son tour, il a cessé de vous aimer. »« Et moi, je l'aime !» dit fièrement la jeune femme en se levant. « Je l'aime. » Je suis sa femme légitime. Vous venez de le dire. Au nom de ce devoir dont vous parliez tout à l'heure, mademoiselle, que pensez-vous que soit votre devoir à vous? Est-ce de garder le cœur de mon mari, trésor stérile, car il ne peut vous servir à rien? Ou bien est-ce de vous effacer devant mes droits et de me les rendre à moi, à qui il appartient de par toutes les lois? Madame, dit doucement Marguerite, moi aussi j'aime Monsieur André. Je l'ai aimé, le croyant libre. Puis-je cesser de l'aimer maintenant qu'il est malheureux? Vous qui ne l'aimez pas depuis qu'il ne vous aime plus, est-ce à vous de me blâmer? Elle avait parlé avec une humilité touchante, mais en regardant sa rivale, car son regard honnête n'avait à se baisser devant personne. Rose fit un mouvement rapide, mais elle se contraignit à rester calme et fixa à son tour ses yeux sur la jeune fille. Que vit-elle dans ses yeux purs où brillait tout l'orgueil d'une âme innocente? Quel retour étrange fit-elle sur elle-même? Quelle émotion inconnue pénétra son cœur fermé jusque-là? Rose ne put le dire, elle ne s'en rendit pas compte, mais son regard se troubla, ses mains tremblèrent, et elle murmura tout bas. « Je comprends qu'il vous aime. » Marguerite, surprise, la regarda, prise de pitié. Les rotins avaient disparu, les larmes envahissaient les yeux de la jeune femme et se pressaient malgré elle au bord de ses cils. Et une à une, elles tombèrent sur sa robe, sans qu'elle essayât de les retenir, et Mademoiselle Vernot entendit répéter deux fois « Ma vie perdue. Ma vie perdue. » Une grande compassion, un grand besoin de sacrifice firent éclater soudain le cœur de Marguerite, ainsi que les grenades trop mûres éclatent au soleil. Elle prit la main de Rose, la forçant presque à se rasseoir près d'elle sur le petit canapé, et tint un instant cette main dans la sienne, la pénétrant de sa douce chaleur. Tout à coup, Madame André parla avec passion, presque avec fureur, et en même temps avec une soumission désespérée, d'autant plus étrange que sa nature rebelle l'éprouvait pour la première fois. Ma vie perdue, oui. Depuis que je suis revenu et que j'ai vu André dans cette existence paisible, tranquille en apparence, où il apportait une résignation si douloureuse, depuis que je l'ai vu bon et indulgent vers moi jusqu'à ne pas me maudire, moi qui étais la cause de tous ses chagrins et de tous les vôtres, je me suis attaché à lui tous les jours davantage. J'ai cru longtemps que c'était de l'enthousiasme, parce que j'admirais son caractère, puis j'ai cru que c'était de la jalousie parce qu'il vous aimait. C'est bien tout cela, mais c'était autre chose encore. Et quand j'ai vu qu'avec toute sa bonté et son indulgence, il me traitait comme une étrangère, que je n'étais rien pour lui, bien pire que rien, un obstacle insurmontable à son bonheur, je me suis mis à l'aimer follement. Il me semblait qu'à force de l'aimer, je me rachèterais, que cet amour qui me torturait était une rédemption, et qu'il faudrait bien, un jour, quand André finit par m'aimer, pour tant de peine. Elle s'arrêta, incapable de continuer, étouffée par les sanglots. Marguerite posa sur sa main glacée qui tremblait sa propre main tiède et compatissante. « Je savais, reprit Rose, que je l'avais blessé, que je l'avais trahi, qu'il me méprisait, qu'il me haïssait peut-être. Et cependant je croyais sentir que, si vous n'étiez pas là, il se laisserait toucher, qu'il finirait par avoir pitié, et qu'au moins, sans m'aimer peut-être, il me laisserait croire qu'il m'aimait. C'est pour cela que j'étais venu ici. Vous savez bien qu'il ne peut pas vous épouser, vous ne vous en iriez pas avec lui. » J'en ai eu peur bien des fois, mais à présent que je vous ai vu, je sais que c'est impossible. » Elle interrogeait fiévreusement Marguerite du regard. Sa nature, faussée par une existence bohème, lui inspirait encore une sorte de doute. « Impossible, » dit lentement la jeune fille en secouant la tête. « Et c'est au moment où j'apprends cela, où je pourrais vraiment commencer à espérer que je vous vois, que je comprends ce que vous êtes. Et je sais à présent d'une façon bien certaine que jamais André ne m'aimera. On n'aime pas une femme comme moi quand on a aimé une femme comme vous. » Marguerite regarda longuement le visage de Rose, toujours beau, mais déjà flétri, baissa la tête et ne dit rien. « Jamais, » reprit Rose en tordant nerveusement le bout de ses doigts, « jamais. Et je vivrai toujours près de lui. Je n'aurai pas le courage de m'en aller, comme je devrais le faire. J'ai eu envie de m'en aller et puis... » Son visage se couvrit d'une rougeur de honte au souvenir de sa tentative auprès de Saint-Chet. Depuis lors, ses sentiments intérieurs avaient tellement changé qu'elle se demandait avec une horreur profonde comment elle avait pu tomber si bas. « Cela ne m'a pas réussi, » dit-elle en passant la main sur ses yeux pour effacer le souvenir odieux de cette heure d'humiliation. « Et je n'ai plus assez d'énergie. Jour par jour, je suis absorbée de plus en plus dans cet amour fou sans espoir, et je sentis chaque jour que je ne pourrais jamais m'en défaire, et que si je ne pouvais pas en vivre, il faudrait finir par en mourir. Marguerite tressaillit et retira sa main. Si Rose mourait ? Cette pensée lui fit une impression si bizarre et si douloureuse qu'elle se leva pour la secouer. Après avoir fait quelques pas, elle se rassit près de Madame André. « Saviez-vous que je pars pour le midi ?» lui dit-elle doucement. Rose la regarda avec des yeux égarés. « Oui, je m'en vais. Ce voyage va durer quelques semaines et lors de mon retour, je ne dois plus voir juste André. Pourquoi ? Parce qu'il est votre mari. Et que ne pouvant pas l'épouser, je ne dois plus le voir. C'est l'avis de ma famille, ce n'était pas le mien. » ajouta-t-elle avec l'ombre d'un triste sourire. « Mais je commence à comprendre que ma famille a raison. Je vous demande pardon, madame. Mais je n'avais jamais pensé que vous pouviez souffrir. J'ignorais. » Elle se détourna sans achever sa pensée. Rose lui prit la main pour la ramener vers elle. « Vous l'aimez bien ? » demanda-t-elle à demi-voix, avec une insistance presque tendre, plus que ma vie. « Qu'est-ce que vous allez devenir quand on vous aura séparé de lui ?» La jeune fille à son tour couvrit ses yeux de ses deux mains et éclata en sanglots. Rose la regardait, cherchant à démêler ce qui se passait en elle, sans pouvoir y parvenir. Marguerite fit un violent effort et ressaisit son calme, au moins en apparence. « Il ne s'agit pas de moi, dit-elle, mais de juste André. Il est votre mari. Vous avez agi noblement envers lui. C'était votre devoir, vous disais-je tantôt, c'est vrai. Mais je m'aperçois que le devoir est parfois bien difficile à accomplir, et que peut-être on a quelques mérites à ne pas s'en écarter. Moi, je ne puis servir à rien dans sa vie, maintenant du moins. Vous étiez venu pour me prier de ne pas me mettre plus longtemps entre vous et lui, n'est-ce pas ? Ce n'est pas pour vous prier que j'étais venu, dit Rose d'une voix pleine de repentir. C'était pour vous faire autant de mal que je pourrais. Je ne sais comment il se fait que je sois toujours si méchante. Enfin, votre désir était de me voir m'effacer autant que possible de la vie de M. André. Vous avez raison de le demander, et mon devoir est de l'accorder. Je partirai à la fin de la semaine, et avant mon départ je dirai à votre mari ce que je considère comme son devoir et le mien. Êtes-vous satisfaite ? Rose regarda Marguerite avec une hésitation nouvelle. Peu habituée à l'héroïsme, elle ne pouvait s'y faire, ni chez elle, ni chez autrui. Cependant, elle sentit qu'elle éprouvait pour la jeune fille une admiration sincère. « Je vous demande pardon, » lui dit-elle timidement, « des chagrins que je vous ai causés. » Et soudain, les larmes lui revinrent irrésistibles, intarissables, avec l'impression d'un désespoir sans fond. « Pauvre femme, » dit doucement Marguerite. Rose avait essuyé ses yeux et s'est élevée. Elle regardait autour d'elle, cherchant quelque chose dans ses pensées et ne sachant ce qu'elle cherchait. Tout à coup, elle se leva vers la jeune fille et lui tendit les bras. « Embrassez-moi, » lui dit-elle d'un air suppliant. « Il me semble que ce serait un pardon. » Marguerite se pencha vers elle et mit un baiser sur sa joue. « Comme il faut souffrir, » dit Rose d'un air pensif. « Mademoiselle, gardez un bon souvenir de moi. Je vous plains de toute mon âme, » répondit la jeune fille avec un accent sincère. « Et vous me méprisez ? Non ! Vous souffrez assez cruellement pour que vos torts soient effacés. »« Merci, » dit Rose. Et elle disparut.